Cette semaine, dans l'émission qui vous propose la plus meilleure musique de Sifu, la barre est haute, de nouvelles entrées des Amis au Pakistan et de Steve Hill and the Majestics, et vous serez en fin si nos numéros 1 sont toujours le Roi Poisson et Au Bijou. Oui, mais j'ai pas parlé d'animation, là, juste de musique. Les palmarès Sifu, vendredi 17h.